quand l'air sera si chaud que le feu perpétuel gagnera les forêts, quand l'air sera si chaud que les déserts mangeront les plaines, que la haine embrasera les cœurs, quand l'air sera si chaud que la mer avalera les rivages, il nous restera ça. Un ours blanc, accroupi sur le dernier glaçon, un fou de Bassan cherchant de la fraîcheur sous une cascade, une maman touchant la joue d'un nouveau-né. Un sauna au pôle nord, des cocotiers au pôle sud, des déambulateurs, des troisième âge courant les alizés, des voyageurs 20 000 lieues sous l'Atlantique. Un phoque racontant ses souvenirs de banquise. Les baleines qui s'essoufflent, les taupes qui renaclent. Les glaces à Gendaz devenues daube ou risotto, tôt. Les téléviseurs fondus par le soleil. Des montres molles du temps qui coule. Des amoureuses qui veulent toujours. Des amoureux qui n'en peuvent plus, n'en peuvent plus. Des pages, toutes ces pages collées par la sueur. Des livres, tous les livres, les ultimes refuges de l'ombre. Et puis Rimbaud, et puis Léopardi. Et puis toi, attendant contre moi la nuit, même si elle brûle plus que le jour.